c'est là, elle se réveille, bourdonne son chant sourd à mes oreilles. La bête et moi, qui la croyait, endorme une fois pour toutes, tuons la bête. La bête en foi, je l'ai cru morte, mais c'est bien elle en moi qui me dévore. La bête cette fois frappe à ma porte, ouvrez gentilhomme, ce soir je suis fort. La bête en face, je ne frissonne que de haine et de rage, la peur ne résonne. Comme un cri lointain j'entonne le chant d'une vie qui ne veut plus d'automne. J'ai tant subi ta foi, j'ai trop perdu mes lois, négligé sans diadème. Ce soir de sa mort, je m'en ferai belle. Qui donc est-il ce roi de miséricorde et de poussière, pour qu'il s'inscrive en moi, qu'on me donne les armes et je l'en perds. La bête a soif de mes remords, s'étanche à ma mémoire, il tisse son décor. La bête m'accable de ses reproches, coupable de mon histoire, c'est trop, je décoche. La bête aboie et se défend, de la vertu de mes flèches coule son sang. La bête une fois encore me tend ce regard qui m'accuse, mais je suis innocent. Ta foi, j'ai trop perdu mes lois, négligé sans diadème. Ce soir de sa mort, je m'en suis fait belle. Qui était-il ce roi de miséricorde et de poussière, pour qu'il s'inscrive en moi?